Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Flambeur, sentimental et vache, picolant beaucoup, volubile, bravache, qui voulait maîtriser son destin, loin d'être un homme rationnel. Il aimait la satire et avait des têtes de turc. Tout le monde n'a pas passé que d'excellentes soirées en sa compagnie. Il aimait la provocation, il avait dépucelé la nouvelle vague, c'est ce qu'il disait, et il écrivait. Il écrivit près d'une quarantaine de scénarios pour Éric Rohmer, Claude Chabrol, René Clément, Roger Vadim, Barbette Schroeder, Alain Gessoy et d'autres. Surpris par la nuit, le 13 février 2007, sur France Culture, Paul Jégoff, Une partie de plaisir, par Christophe Deleu. Surpris par la nuit. Asseyez-vous. Je vous sers un verre? Oui. Whisky? Whisky. Avec ou sans? Sans. Bon. Fait ça le temps, hein? Oui. Ah, il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'automne, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus rien. Plus rien. Si j'étais le bon Dieu... Marc. Oui. Où voulez-vous en venir? Comment ça, où je vais en venir? Ben oui. Vous m'emmenez au restaurant, au cinéma, dans les boîtes. Pourquoi? Ben... Parce que je trouve ça très agréable. Pas vous? Oui. Ben alors... Vous m'avez parlé vaguement d'un scénario. En est-il? Oui, oui, mais j'y travaille, je prends des notes. J'y pense beaucoup. Vous me les montrez, ces notes? Oh, oui, bien sûr. Qui était Paul? Je pense qu'il était admiratif de son grand-père, qui s'était suicidé à 80 ans. Très admiratif. Je pense qu'il a beaucoup cherché à se faire... se faire suicider. Il en avait marre de vivre. Et j'ai des scénarios qui sont superbes, mais ils sont démodés. Et ça fait... Oh, et puis je travaillais. Et puis maintenant que je suis à la retraite, tout à coup, je vais les reprendre. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas... Il y en a qui sont beaux. Vous avez tout conservé, les scénarios inédits de ouais. Paul Jégoff. Oui. Écrit à la main. Toujours. Ouais. Avant de faire un film, avant d'écrire un scénario, mais... Avant d'écrire un scénario, il était comme un lion en cage. Pendant un mois, hein, parce que, bon, il avait 2 mois pour écrire un scénario, 2 mois et demi, on lui donnait. Et pendant un mois, il faisait rien. Et j'arrêtais pas du tout. Mais il faut que tu commences, parce que quand même, c'est long d'écrire. Hein. Je réfléchis. Et c'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis un jour, il disait, allez, bon, je m'y mets, parce que là... À tant de pages par jour, j'ai juste 100 de temps, ça va. Alors, il se prenait sa première feuille blanche, son whisky, il commençait jamais avant 6 heures du soir, à la tombée de la nuit, ça dépendait de l'hiver ou l'été. Et il s'y mettait. Et là, on l'arrêtait plus. Alors, il travaillait jusqu'à 3-4 heures du matin, il pouvait travailler. Ça suffit ! Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, j'exige la mort du crocodile, le meurtrier quotidien. Ça suffit ! On n'est pas dans un roman, on est dans la vie. Un film, c'est la vie. Couvrir de flammes toutes les fleurs. Mon père avait une petite louait une petite maison à Neuilly. Et un matin, un électricien d'EDF vient pour relever les compteurs. Et puis, l'installation n'était pas tout à fait aux normes. Et l'électricien était un peu désemparé et surtout très mécontent. Et puis, mon père, mal réveillé, en peignoir, il était midi. Et... désigne la porte à l'électricien en lui disant dehors prolo. Et l'électricien est parti en maugréant, mais il était tellement stupéfait qu'il n'a pas réagi. Et donc, ça, c'était des petites provocations. Et mon père, on était très amusé d'ailleurs, était très content de ça souvent. Il le racontait, on entendait parler pendant 2 ou 3 semaines après. Ça fait chier, ça filme. On tombe que sur des malades. C'est de ta faute. Y'a qu'à pas accepter. Bon, y'a qu'à. Il détesterait notre époque à cause du politiquement correct qui nous entoure, parce que lui, c'était ce qu'il détestait le plus. Il avait une théorie gigantesque sur le plus grand criminel de l'histoire, qui était absolument fantastique. Il expliquait, chiffre en main, que le plus grand criminel de l'histoire n'était ni Staline, ni Hitler, ni même Gengis Khan, mais bien Gandhi. Et il disait, à cause de Gandhi, il y a eu, 47 ou 50 millions de morts en Inde, alors que ni Hitler ni Staline ne sont arrivés à ce chiffre impressionnant. Il disait ça en public ? Oh oui, bien entendu, oui. Alors, c'est pour ça que les gens comprenaient, parce que on l'a très longtemps, très souvent traité de facho, par exemple. Ciao, fils. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai glissé. Ça me rappelle l'histoire du condamné à mort. Tu la connais? Non. Un condamné à mort monte sur l'échafaud, il glisse sur une marche et dit, décidément... J'ai été vu aussi dans le cinéma. Et il était, en dehors d'être un auteur, il était un technicien de la réparation des scénarios. C'est-à-dire que Claude Sauté et lui... faisait des réparations de scénarios avant d'être, je vous parle des années, même pas des années, de l'année 60 ou 61 dans ces eaux-là. Et on leur donnait un scénario en disant, pouvez-vous nous refaire un peu tout ça, proprement, de façon à ce que... Et Sauté et lui se partageaient cette espèce de... sur des aspects différents. Si on travaille en musique va commencer, à vous travailler en musique. Jean-Baptiste Morin, vous êtes journaliste aux Inrecuptibles, l'auteur d'un mémoire de maîtrise d'études cinématographiques, Le mauvais génie des jeunes Turcs et Le poète assassiné, ou Paul Jégoff, romancier, scénariste, en 1990. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Ce qui m'a intéressé surtout, c'était de m'intéresser à quelqu'un auquel personne ne s'intéressait, en fait. Le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais lu, au moment de la mort de Truffaut, dans le mur des Cahiers du cinéma qui lui avait été consacré, l'article que Romer donc, avait écrit en hommage à Truffaut, et il parlait de Jégoff en faisant même une petite critique à l'encontre des Cahiers, en leur reprochant de ne pas avoir parlé de la mort de Jégoff, qui donc datait de, je pense, 10 mois, enfin, en gros. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce type était un type important pour la Nouvelle Vague, qu'il avait une influence sur quasiment tous les cinéastes qui en sont sortis, enfin, disons en tout cas ceux qui viennent des Cahiers. Et donc ça me semblait intéressant. Voilà. Il a influencé la Nouvelle Vague. Comment? Je pense que finalement, son influence est presque plus grande en tant qu'homme qu'en tant que scénariste. Mais ça, je dis ça maintenant en y ayant un peu réfléchi. Mais je pense quand même que il a eu une grande influence sur le comportement, même sur la vie de tous ces gens-là, et que ce sont des choses qu'on retrouve après dans leurs films. Voilà. Donc, je pense par exemple que chez Godard, c'est évident dans les premiers films, et je pense que sa personnalité a une grande influence dans le sens où il avait des idées assez fortes qu'il exprimait de façon assez violente, alors que c'était des gens plutôt timides au départ. Et je pense que cette personnalité, en fait, on la retrouve dans leurs films. Qu'est-ce que tu deviens? On doit plus. Il est 7h02. Moi, rien, je voyage. Radio Luxembourg. Et au quartier, quoi de neuf? C'est pas. Tu n'y vas plus? Quelquefois. Quelquefois à la discothèque, Nagui Pidion. C'est sûr. Tu fais toujours du cinéma? Oh non, je couche avec trop de type. Enrico, tu t'en rappelles? Tu te le rappelles. Tu t'en souviens. Mais pas tu t'en rappelles. Je travaille avec lui à la TV. Je suis script. À Rome, en décembre, j'étais fauché. J'étais assistant dans un film. À Cinecittà. Toi? Oui, moi. Tu n'as jamais été gigolo, par hasard? Pourquoi? Comme ça. Moi, je voudrais bien, oui. Par exemple, Michel Poicard dans À bout de souffle. Mathias de Bureau. C'est criant de vérité, mais c'est, on peut dire que c'est Paul Chekhov. Ils se ressemblent vraiment étrangement. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de témoins qui ont surpris Godard dans les cafés, en train de noter sur des paquets de cigarettes ou des petites feuilles de brouillon les réparties de Paul Chekhov. Donc Paul Chekhov était un peu une sorte de self-service, quoi, pour de la nouvelle vague, de réparties, de brio, et lui, ça l'amusait un peu. Et d'ailleurs, il n'a pas vu tous les films qu'il a inspirés. Il ne faut pas oublier quand même que Chekhov, c'était une figure, à mon avis, centrale, mais occultée, des cahiers du cinéma. André S. Labarthe. C'est quelqu'un qui a marqué tout le monde de la nouvelle vague. Romère était fasciné par Chekhov, parce que c'était un peu le contraire de lui. Pourquoi le contraire? Parce que Chekhov, lorsque la mode était d'être à gauche, lui était à droite. Et voilà, et de façon très violente comme ça. Et d'ailleurs, il suffit de voir le film de Chabot, là, Les Cousins, pour s'en rendre compte. Et où c'est poussé jusqu'à la dérision. Et voilà, il ne pouvait pas supporter les idées, les clichés qui avaient cours. Donc il fallait faire le contraire de la bien-pensance. Et la bien-pensance a souvent été à gauche. Donc il avait des positions comme ça. Ça ne voulait pas dire qu'il pensait qu'il était à droite dans sa tête. Ça voulait dire que dans l'expression, on ne pouvait pas ressortir tous les clichés de la gauche à longueur d'année, tout le temps, parce qu'ils étaient complètement démonétisés, en quelque sorte. Voilà. Et bon, il a marqué donc, Godard, il a marqué Chabrol, évidemment, puisque Chabrol a travaillé directement avec lui, et bon, Les Cousins. Et puis les deux films maudits de Chabrol, qui sont Ma vie c'est chef-d'œuvre, qui sont Les Bonnes Femmes et Les Godelureaux. Pourquoi des films maudits? Et parce qu'ils n'ont pas marché. Et non seulement ils n'ont pas marché, dans Les Godelureaux ça a été à peu près ignoré, Les Bonnes Femmes ça a été un tollé, tout le monde est tombé dessus, sur ce film-là. Pourquoi? Parce que c'était un film complètement neuf. Pour moi, c'est probablement... c'est peut-être le film le plus important de la Nouvelle Vague. Pas par sa position dans l'histoire de la Nouvelle Vague, puisqu'avant, il y a les 400 coups, il y a À bout de souffle, il y a des choses comme ça. Mais par la façon dont les personnages étaient montrés dans la façon flaubertienne, dont les personnages étaient montrés comme ça, complètement à plat, sans état d'âme, sans psychologie, sans... Et ça reste extraordinaire. Moi, c'est un film que je peux revoir, je le trouve toujours surprenant. Il y a une distance prodigieuse dans leur regard. Alors, ça vient de Chekhov, et ça vient aussi de Chekhov, refilmé par Chabrol, qui rajoutait encore de la distance. Non, c'est un film assez étonnant. Bon, enfin bref, à mon avis, ça a été quelque chose qui a agi à l'intérieur de la Nouvelle Vague, mais de façon souterraine. Je ne sais pas dans quelle partie vous êtes, monsieur. Bon, j'écris un peu. Ah, oh, bien sûr, je me disais aussi. Je voulais vous demander, que pensez-vous du nouveau roman? Il y a des gens qui s'ennuient. Moi, je trouve que c'est quand même une tentative intéressante pour renouveler des formes qui ont fait leur temps, non? À réconcilier le temps et l'espace, si on peut dire. Vous trouvez pas? Si. Oui, quand même, oui. Nathalie Sarraud, Butor, Rome Grillé, même Gégouf, on aime ou on n'aime pas. Hein? Mais ça va quand même loin. Ah oui, ça va très loin, oui. Oui, en effet, oui. Alors, je l'ai rencontré au ciné-club du Quartier Latin. Il avait une petite gloire parce qu'il venait de publier son premier bouquin aux éditions de Minuit. Aux éditions de Minuit, c'était assez glorieux. Alors, bon, il avait un certain prestige. Bon, il préparait Le Toit des Autres, qui est un roman assez autobiographique, puisque c'était l'histoire d'un picassiette, quoi, d'un écornifleur. Et Paul, toute sa vie, a adoré jouer les picassiettes. J'avais un appart avec... ça faisait un, deux, pratiquement trois étages. Alors, on le foutait là-haut. Donc, il pouvait rester. En plus, il nous faisait la bouffe, c'était très bien. On avait ce qu'on appelle une bonne à l'époque. Hein. Il y avait toujours des bonnes qui étaient bonnes à tout faire. Lui, il passait son temps à dire qu'elles étaient bonnes à rien. Et alors, il y a eu des histoires de sauce hollandaise. Une bonne ne savait pas ce que c'était qu'une sauce hollandaise. Il lui dit, sortez immédiatement. Il les chassait. Mais alors, la bonne était... Une fois, il est arrivé que la bonne... On est rentré, la bonne était partie. Non, on se marrait bien. Paul Gégoff jouant du piano dans Weekend de Jean-Luc Godard. Au fond, il y a deux genres de musique, voyez-vous. Celle qu'on écoute et celle qu'on n'écoute pas. Il est bien évident que Mozart fait partie de celle qu'on écoute, surtout quand on pense aux droits d'auteur gigantesques qu'il aurait maintenant le beau. Celle qu'on n'écoute pas, il faut bien le dire, c'est la musique moderne, dite sérieuse, qui ne fait pas entrer deux chats dans la salle. La musique moderne réelle. En revanche, et au fond, simplement basée sur les harmonies de Mozart, on entend un peu Mozart à travers elle. Quand on écoute Dario Moreno ou les Beatles ou les Rolling ou je sais pas quoi, c'est fondé sur les harmonies de Mozart, alors que la musique moderne dit sérieuse, on la cherche chez d'autres. Et résultat, c'est probablement dans l'histoire de l'art le plus énorme échec qu'on ait jamais vu. Donc je reprends la sonate parce que ça vous emmerde. Non, d'ailleurs, je recommence. Je recommence, c'est mieux. Il a influencé les films, est-ce qu'il a influencé les modes de vie aussi? Ben, les modes de vie, parce qu'il avait un mode de vie lui-même. C'était comme ça, hein. Il vivait à la campagne, dans une maison avec un piano, parce que c'était un grand pianiste. Et il y avait ça, le point commun aussi avec Godard, Chabrol et Romer. C'était la musique, et essentiellement la musique allemande du 19e siècle. Il a écrit aussi quand même des livres, Rébus, Une partie de plaisir, que Roger Lénard, qui était l'un des parents de la Nouvelle Vague, tenait en très grande estime. C'était une sorte de dandy comme ça, qui n'allait pas tellement jusqu'au bout des choses. Finalement, il aurait pu continuer à écrire. Mais il écrivait quand il avait le temps, ou quand ça lui chantait. Il préférait se mettre au piano. Voilà, on pourrait certainement faire le parallèle avec certaines figures qui longtemps ont été masquées comme Debord, par exemple, des choses comme ça, qui ont eu une influence, et pourtant on les voyait jamais dans les médias, dans les journaux, on voyait jamais leur nom, etc. Et ils avaient une influence comme ça. Extraordinaire, c'est pour vous penser que ce malheureux est mort, jeté à la fosse commune comme un chien. C'est quand même triste quand je pense à cette tendresse mélodique. Notez qu'il y avait tout Vienne, heureusement, à son enterrement. Ils ont tous été chassés par une tempête de neige. Enfin, c'était des chiens qui n'avaient aucune reconnaissance. Excusez-moi, je continue. Où est-ce que j'en étais, ma petite? Non, pas là. J'avais été, faut bien dire la vérité, élevé dans une stricte ligne catholico-bourgeoise qui me rendait très légèrement constipé. Et il m'a vraiment dégagé ça. Mais alors, évidemment, il le faisait avec une telle violence qu'il y a beaucoup de gens qui supportaient pas. C'est un genre d'alcool trop fort, quoi, très fort. Quand il touchait au trop ou à l'extravagant, je le suivais plus. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient été pris de vertige. C'était vraiment un véritable aventurier, quoi. Alors, comment il vous a transformé, alors ? Mais il m'a transformé en me prouvant que des choses que je trouvais évidentes ne l'étaient pas. Il m'a semé un doute sain. Qu'est-ce qu'il a apporté à vos premiers films, les Golduro, les Cousins Alors, d'abord, après avoir vu mon premier film, il m'a dit, on dirait un film de curé. Ce qui est un peu vrai. Alors j'ai dit, écoute, j'ai un autre scénario que j'ai pas pu faire parce qu'il coûtait trop cher, mais maintenant je vais pouvoir le faire. Et j'avais fait une douzaine de pages sur le scénario des Cousins. Il m'a dit, ah, ben, voilà des choses sérieuses. Il m'a dit, est-ce que... Alors, j'ai dit, ben, tu veux écrire? Il dit, ah, avec joie, toc. Et il a écrit les lyriques des Cousins. Il l'a écrit à la maison d'ailleurs, parce qu'il a dit, écoute, je veux bien l'écrire, mais comme j'ai pas d'endroit où aller, j'ai dit, écoute, sans aucun problème, et c'est comme ça qu'il est venu à la maison. Mais ça m'a tiré des problèmes. Ma femme à l'époque, elle se demandait si c'était du lard ou du cochon. Bon, les deux, au cahier par exemple, les deux qui ont vraiment profité de Paul dans le bon sens, c'est-à-dire de ce qu'il pouvait amener, c'était les deux plus serrés, c'était Romer et moi. Ah, ça me rend malade. Pauvre Ando, il va. Non mais regardez-moi ça. T'as couché avec les trois quarts du quartier parce que t'as envie d'un puceau, tu te sens devenir pucelle. Ah ! Ah non, tiens, franchement, même d'un point de vue moral, ça m'indigne. Il faut rester fidèle avec soi-même. Tu le dupes, ce garçon. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Ou bien tu couches, ou bien tu lui fous la paix. Vous êtes des salauds. Nous, des salauds ! Non, mais tu l'entends, Paul. Mais on t'aime, nous. Tu es notre Florence. Notre petite Florence à nous. Et on veut t'aider. N'est-ce pas, Paul, qu'on veut l'aider ? Mais absolument. Non, mais c'est vrai, Florence, franchement. Si tu veux coucher avec Charles, vas-y. Mais ne l'embobine pas. D'abord, t'es pas obligé de lui promettre le mariage. Mais avec lui, je veux que ce soit sérieux. Ah, justement. C'est ça qui est grave. Non. Regarde-toi. Hein? Est-ce que tu as une gueule à le rendre heureux? T'as ta peau, ma vieille? Je m'y connais en peau. Fiche-moi la paix. Si, je t'assure, je m'y connais. Et je ne me suis jamais trompé. Tu as une peau d'allumeuse. Ah, tu vois, tu frissonnes. Tout en toi vient de la peau, ma chatte. Que veux-tu? Tu es née pour être chatouillée. Tu n'es pas faite pour les choses de l'esprit. Écoute-le, Flo. Pour une fois qu'il dit des trucs sensés. L'influence sur ces gens-là est différente d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que... Romer et Jégoff se sont connus très tôt, en fait. Ils avaient tous les deux peut-être 25 ans. Ils se sont connus à la Libération, je pense même le jour de la Libération de Paris. Enfin, a priori, c'est ce que m'a dit Romer. Et donc, ils se sont connus assez tôt pour avoir une amitié quand même très très solide. Et donc, ils se sont influencés l'un l'autre. Ils avaient les mêmes goûts, enfin, en littérature, en musique. Parce que je pense que la musique est une chose très importante chez Jégoff. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il a même commencé des études de musique classique, mais qui leur a laissé tomber comme il a un peu laissé tomber tout ce qui commençait. Et c'était jusqu'à la fin, il est resté un très bon pianiste et un connaisseur de musique. Apparemment, il était quand même spécialisé dans la musique. Enfin, il connaissait surtout Bach et Beethoven. Et dès les premiers films de Romer, on trouve des personnages qui sont éminemment, disons, jégoviens, on va dire. D'autant plus que le tout premier film que tourne Romer, en fait, est interprété par Jégoff lui-même. C'est un film qui a disparu et qui s'appelle Le journal d'un scélérat. Romer reconnaît que tous ses premiers personnages masculins, jusque, je pense, je pense qu'on peut dire la collectionneuse, sont des personnages inspirés par Jégoff. Après, alors, il y a une anecdote que racontait Jégoff, qui date, je pense, du tournage de Manu chez Maud, où Romer un jour est venu le voir en lui disant « Maintenant, tu n'as plus d'influence sur moi, voilà, je suis libre, enfin, je ne suis plus celui que j'étais, enfin, nous sommes toujours amis, mais l'influence que tu pouvais avoir sur moi ne fonctionne plus. » Faut le savoir. Ouais, voilà. « description du personnage des contes Moreau de Romer. Ben alors on croise parfois ce personnage assez cynique, assez viril, avec beaucoup de culture et grand séducteur, quoi. Donc il y a toujours dans ces contes Moreau un séducteur, quelqu'un qui, pour employer l'expression de Barbé d'Aurevilly, des sonates de conversation, quoi, qui a un brio extraordinaire et mais qui charme les jeunes actrices, quoi, des contes Moreau. Ça peut être dans Le Genou de Claire, c'est le personnage de Brialy, par exemple. En fait, Jegoff, on peut dire qu'il s'est quand même, enfin, dans les années 50, il s'est construit un personnage en allant piocher un peu à droite à gauche. Et il y a un personnage qui l'a beaucoup influencé, c'est Erich von Stroheim dans les années 50. Et il adoptait un peu cette attitude, si on portait un corset imaginaire, un port incroyable. Et Erich von Stroheim, oui, ça l'a beaucoup influencé. Ouais. Ah, tu sais que j'ai horreur de faire pleurer les filles. Si je l'ai fait, c'est que elle avait besoin d'une leçon, il fallait que je lui ouvre les yeux. Et puis en même temps, ça a été ma bonne action. Mais si j'avais eu le sentiment de la choquer tant soit peu, j'aurais retiré ma main. Le rouge au front. Oui. Mais non seulement je ne la choquais pas, mais en plus je lui faisais du bien. Le geste que je croyais un geste de désir, elle l'avait pris, elle, comme un geste de consolation. Une sorte de paix s'est installée en moi, mêlée de la crainte de ne pouvoir maîtriser cet instant. Un jour, il m'avait donné un coup de fil, il m'a dit « Tu peux pas savoir, je m'en suis fait trois dans la journée. » Alors, je lui ai dit « Très bien, laquelle tu préfères ?» Alors, ça l'a fait rigoler. Oui, ton histoire est charmante, mais parfaitement anodine. Il n'y a pas d'autre perversité que celle que tu prétends y mettre. Je prétends au contraire que les résultats sont tout ce qu'il y a de plus moraux. D'une part, j'ai dissipé l'enchantement dont je te parlais l'autre jour, et d'autre part, le corps de cette jeune fille ne m'obsède plus. C'est comme si je l'avais possédé, je suis comblé. En même temps, j'ai fait une bonne action. Mathias Debureau, portrait amusant et léger de Paul Jegoff, celui qui a dépucelé la nouvelle vague, Dixit, Jean Douché. Oui. C'est ce que vous écrivez. Oui, c'est une bonne formule, oui, ça peut être déniaisé. Alors comment ? Déjà, c'était son attitude, son phrasé, son charme. C'était un individu très très charismatique. Alors ça pouvait être un certain goût du scandale, de l'amusement, une culture immense. Il maîtrisait la Grèce antique et puis beaucoup d'humour, des coups d'éclat. Évidemment, ça plaisait à ces jeunes gens qui avaient aussi envie de s'amuser, quoi. Alors, il y a un épisode qui est assez important à évoquer, c'est l'épisode de l'uniforme nazi. Il aimait beaucoup faire des apparitions en uniforme de la Wehrmacht pour faire scandale. Voilà. Fini. Maintenant, Wagner. À la Rose Rouge, il y avait un truc qui s'appelait le bal du libre arbitre, ou la soirée du libre arbitre. C'était une soirée, vous savez, à la Rose Rouge à l'époque, tous les gens de Saint-Germain-des-Prés se retrouvaient le soir pour écouter un peu de jazz, pour écouter un peu de théâtre. On picolait pas mal. Je ne sais pas qui a donné cette idée. On va faire le bal du libre arbitre, on va inviter tous les gens à la mode de Saint-Germain-des-Prés, et ça sera un bal déguisé. On avait été ensemble chercher des uniformes. À l'époque, on faisait beaucoup de films de résistance, des films de la guerre, donc chez les fournisseurs de costumes pour les spectacles et les cinémas, il y avait des uniformes allemands partout. Et il s'était procuré un uniforme de SS, ou d'officier allemand, je ne suis pas tout à fait sûr que c'était un uniforme noir, je crois que c'était plutôt un uniforme vert, enfin un uniforme de l'armée allemande. On avait choisi un képi, il avait fait ajuster ça pour un pantalon, et s'était déguisé en officier allemand. Je me rappelle que moi, j'étais arrivé en costume, gris, ou enfin sombre, et on avait trouvé aussi une espèce de ce qu'on appelle des pins maintenant. Les gens de la Gestapo portaient une petite pins avec une croix gammée à la boutonnière de la veste. Et on était arrivé là, comme ça, dans le bal du libre-arbitre, dans l'escalier de la Rose Rouge. On est descendu, et ça a été un épouvantable scandale, mais un épouvantable scandale. Il y avait des journalistes qui étaient là, des photos ont été prises. Je crois me rappeler que dans François ou dans Paris Presse le lendemain, il y avait des photos. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'on a été expulsés. Ein Tages, der Krieg ist aus! Alors là, il y a une coupure de presse. Il a fait la deuxième page de France Dimanche. Alors là, on le voit, donc avec cet uniforme. Et alors, manque de chance, il est à côté de la comédienne Dita Parlow, qui est d'origine allemande. Et alors, c'est un peu, ça aggrave encore son cas, puisqu'elle a été la compagne d'Henri Lafond, de la bande de la rue Lauriston, donc assez impliquée dans la collaboration. Et lui, on le voit donc avec un mégot, tout sourire. Et en fait, dans cette soirée, il a dû rester environ 10 minutes, puisque ça a été effroyable, quoi. Il y a eu un... ça a été glacial. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut lire le commentaire donc de France Roche, qui faisait le carnet mondain, en fait. Ah, voilà, c'est là. France Roche. En 1950, en fait. Ouais, alors ça, c'était... Avril, ah oui, excusez-moi, j'ai dit 55, oui, c'est encore pire. C'est en 1950, donc c'est 5 ans après la guerre. Alors, je vous lis le commentaire de France Roche. Au libre arbitre, il était recommandé à chacun de se costumer comme il lui plaisait. Un zigoto a fait une entrée assez remarquée en uniforme de la Wehrmacht. Ça a jeté un froid sur une soirée qui n'était déjà pas si chaude. Il est entré, on l'a sorti. Ce jeune homme nommé Paul Jégoff est l'auteur d'un roman qu'il a baptisé Le Mauvais Plaisant. Les Mauvais Plaisants, il est lucide. C'est assez important, en fait, ce passage, parce que ça dénote un petit peu du comportement de Paul Jégoff. Il n'hésitait pas à rentrer dans des brasseries à cette époque en claquant des talons, en faisant un salut nazi. Donc à Saint-Germain-des-Prés, il avait déjà beaucoup d'ennemis. Georges Delorme, vous avez été l'ami de Paul Jégoff. Quand est-ce que vous l'avez rencontré ? C'était en 1950, un truc comme ça. J'étais en seconde au collège Sainte-Barbe et mon professeur s'appelait, frais et moulu de l'agrégation de lettres, s'appelait il s'appelait Maurice Scherrer, plus connu maintenant sous le nom de Éric Romer. Il habitait à l'époque rue de la Sorbonne dans un hôtel au tout dernier étage, au sixième ou septième étage, sans ascenseur. Et sur le palier de l'autre côté, il y avait un autre mec qui était Paul Jégoff. J'ai tout de suite eu énormément d'admiration pour lui. Je considère, pour ce qui me concerne, qu'il a été d'une grande influence dans ma vie. Il m'a appris à penser, il m'a appris à discuter, à contester, il m'a appris la musique. Il nous donnait l'image de quelqu'un aux yeux de qui rien n'a de valeur. Tout est possible, tout est permis. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme une espèce d'image de... Oui, de liberté absolue, tout était possible, les mœurs, on pouvait se permettre tout. Il picolait beaucoup d'ailleurs, il faut le dire. Déjà à l'époque, il picolait pas mal, donc il avait tendance à être très volubile et quand il commençait à avoir un coup dans le nez... Tout le monde y passait, il se foutait de la gueule de tout le monde. En même temps, dans sa conversation, il était d'une grande culture. Il abordait les gens dans la rue, par exemple, dans un bistrot, et puis il leur sortait des conneries pour voir un peu ce que ça allait donner. Romer, derrière, avec qui nous étions souvent, lui, il observait ça avec beaucoup d'attention, et je crois que ça l'amusait beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? On allait au cinéma avec lui. Il avait des goûts très précis sur le cinéma. Il aimait beaucoup le cinéma muet, il connaissait. Je ne sais pas comment on allait. Je suppose qu'on allait à la cinémathèque de l'avenue Messine à l'époque. Où est-ce qu'on allait ? On allait traîner à Saint-Germain-des-Prés. On allait dans les boîtes. J'ai oublié maintenant. Ah si, on allait au Tabou, je crois. Au Tabou, c'était une boîte de jazz rue Dauphine, si je me rappelle. Je crois me rappeler, au coin de la rue Christine. Là, il nous emmenait là. Il nous emmenait là, je crois que c'est lui qui nous emmenait là. Il y avait du très bon jazz. Il y avait un type qui s'appelait... Enfin, un type. L'écrivain, là, Boris Vian, qui faisait qui jouait de la clarinette, je crois, ou de la trompette. Il connaissait tout le monde, là. Tout le monde. Quand il arrivait, c'était « Ah, Paul, allez boire, viens boire un coup ». Je sais que mon père l'ayant rencontré deux ou trois fois, avait à son égard beaucoup de prévention. Tout à coup, le moribond se dressa sur ses deux poings, jeta sur ses enfants effrayés un regard qui les atteignit tous comme un éclair. Les cheveux qui lui garnissaient la nuque remuèrent, ses rides tressaillirent. Son visage s'anima d'un esprit de feu. Un souffle passa sur cette face et la rendit sublime. Il leva une main crispée par la rage et cria d'une voix éclatante le fameux mot d'Archimède : Eureka, j'ai trouvé. C'est un homme qui me fait penser un peu au... Michel Subor. À l'un des héros d'un roman de Faulkner qui s'appelle Sartoris. Et il me fait penser à John Sartoris, qui était un lieutenant-colonel des Confédérés et qui s'amusait d'une façon bravache et qui s'amusait à fanfaronner avec le danger en traversant les lignes des Fédérés, c'est-à-dire des gens du Nord, en uniforme de lieutenant-colonel du 18e ou du 23e régiment de Memphis, qui étaient les gens du Sud, c'est-à-dire les sécessionnistes. Et il traversait les lignes comme ça. Et donc, un jour, ça lui a été fatal, parce qu'il s'est pris une balle la quatrième ou la cinquième fois. Et Paul était un homme comme ça, un peu un bravache, qui voulait absolument maîtriser son destin. Et qui jouait avec le danger aussi. Ce qui est une façon de maîtriser son destin. Et voilà à quoi je veux dire, c'était ce genre de type, Paul. C'était pas un homme rationnel, c'était pas un homme de marché, c'était pas un économiste, c'était c'était un amateur de la vie. En disant amateur, pour moi c'est pas péjoratif, hein. Ça vient du latin amare qui veut dire aimer. Il avait, comme Sartoris, j'en reviens toujours à Faulkner, il avait cette façon de marquer une certaine distance avec la réalité des choses et avec la matérialité des choses. Il vivait jamais à des endroits fixes. Il traversait les lignes de la vie comme Sartoris, mais c'était les lignes de la vie et un jour ça lui a été fatal. Paul Jégoff n'avait pas le sentiment de construire une œuvre. Oh non, sûrement pas. Loin de là. Quand j'ai rencontré Paul, non, je ne vais pas raconter ça. Il était très ami avec Chabrol, bon. Et c'était son scénariste. Comment présenter Paul? C'est un... Bon, Daniel Rosenkranz. Sûrement assez peu sûr de lui quelque part, et en même temps, en contre-pied... avec une très sûre de lui, bien sûr. Enfin, je veux dire, comme de son apparence, oui, ce qui montrait trop. Il aimait bien faire le contraire de ce qui était à la mode à l'époque, sauf plus tard où il est tombé dans la mode quand même, avec toute la bande de Vadim et Barbet, quoi. Enfin bon. La mode de fumer, de faire des échanges. J'aurais dû m'en douter, puisque quand je l'ai connu, il était déjà avec une autre fille, une actrice. Et puis elle est arrivée un jour, elle a appris qu'il me connaissait. Et puis il a dit. Elle est rentrée chez moi, elle a dit : mais il a tout en double ! Mais ça, c'est un. Voilà. Mais ce livre, il est chez moi aussi, il est en train de lire. Elle est restée 3 jours en me disant : oh, non, alors là. Et puis lui, il était au lit au milieu de nous deux, très content. On lui servait des petits plats. C'était fou, hein ? C'était un fou. Et puis moi, je disais : Evelyne, ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est pas possible, deux à la fois comme ça. Puis finalement, j'étais sûre qu'il allait choisir. Alors, il a fallu qu'il choisisse quand même au bout de 3 jours et il est resté avec moi. Je sais pas pourquoi j'en étais sûre. Hein. Bon, après, j'ai moins vu Evelyne. On était très amis pendant 3 jours. Je me demande vraiment ce que j'ai dit pour cette gonzesse. Je te l'ai dit. Elle est exactement le personnage de mon scénario. Ah bon, parce que tu te lances dans le siloche maintenant ? Oui, pour tout le monde. Pourquoi pas ? Ça n'empêchera pas d'écrire si j'en ai envie. À quelle heure elle vient ? Bah, tu sais, je ne vois pas qu'elle vienne. En principe, elle finit sa soirée au Saint-Hilaire maintenant. C'est vrai. Tu bois encore un truc ? Oui, je... Deux scotch, mais... Ouais. Vous me demandiez comment définir Paul. C'est indéfinissable. Il y a tellement de choses à la fois. Ouais. Je me souviens surtout des bons moments. Je me souviens donc surtout de Vauréal. Parce que avant qu'on ait cette maison de Vauréal, où on est resté quand même 6 ans, c'était la folie. J'ai eu quand même un enfant. On habitait un peu n'importe où, j'ai des amis par-ci par-là, je partais souvent, j'emmenais mon fils sous le bras, parce que il avait dû me tromper, je ne me rappelle même plus pourquoi, mais sûrement ça, oui. J'étais en colère, je m'en allais, il me retrouvait toujours. Et puis, après on a pris cette maison à Vauréal, et puis tout à coup, Paul a changé. C'était un autre Paul, c'était celui qui était sans doute le plus vrai. Il était trop doué en tout. Et puis, il était drôle. Et puis, il était très cultivé. Et moi, il m'a appris. Il m'a tout appris, ça aussi. C'était un peu comme... Il m'a appris tellement de choses. Moi, j'ai passé mon enfance en pensée tendue. Enfin, c'est une enfance pas très gaie. Hein. Donc, tout à coup... Je veux dire, je lui disais toujours... Je devrais noter, enfin, je me disais à moi plutôt, je devrais noter tout ce qu'il dit, parce que chaque phrase était drôle et en même temps, ben, j'ai pas noté, bon, je sais pas, sans doute que, comme on buvait tous pas mal, c'était pas si drôle que ça, enfin bon, en tout cas tout le monde trouvait ça drôle, parce que beaucoup de, on venait énormément chez, dans cette maison, j'avais l'impression de, après, de vivre comme si j'étais milliardaire, la Jet Set, on était à New York, on était à Londres, chez les Rolling Stones. Enfin, je veux dire, on voyait le monde entier. Je ne sais pas comment ils se débrouillaient, ils n'avaient jamais d'argent. Mais on était invités partout et on invitait beaucoup. Mick Jagger venait souvent jouer dans notre jardin. Il venait passer un week-end ou deux. Il aimait bien faire la fête ? Ouais, ça c'est sûr. Et il aimait bien inviter, il aimait bien cuisiner aussi, voilà. Cuisiner bien, mais après cuisiner en plus. Ouais. Il aimait bien faire la fête, oui, mais parce qu'il aimait bien boire un coup aussi, hein, ça c'est sûr. Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire ? Je vais bouillir 4 heures. Ah ben 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit ? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous ? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors ? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher ? 100 000 balles. Une scène qu'il aimait beaucoup... Et je le comprends, c'est la scène du repas, ça, parce que là j'ai absolument pas changé une ligne. La scène du repas dans Que la bête meure, avec Yann Moulin. Alors, il dit, tout ce qu'il dit est vrai. Alors, et c'est ça il est odieux, mais tout ce qu'il dit est vrai. Ce qui est très jégovien. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la bouffe, ça ne trompe pas. qu'il en a pour 100 000 balles par mois. À l'époque, ça devait être à peu près vrai. Et troisièmement, que la bonne façon de faire réduire une sauce, il le dit. Et le poème qu'elle a écrit et qu'il lit en se moquant est complètement stupide. Bon. Donc, tout ce qu'il dit est vrai. Et en même temps, il est odieux. Ça, c'est intéressant. C'est une notion intéressante qui lui plaisait beaucoup. Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais. Je peux comprendre que quand on ne le connaissait pas, on puisse se trouver odieux. Et même quand on le connaissait, mais le trouver odieux quand on le connaissait, ça ne pouvait être que parce qu'on avait peur. Sinon, odieux, il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Il avait plus de charme que de venin. Ma petite femme, elle préfère s'enfermer dans sa chambre pour écrire ses petits machins. Moi, le matin, oui. Faire profiter, monsieur. J'ai lu ça. Ô lune de l'espoir, vallée de larmes, mon cœur sous la noire camisole. Ouais. Oui, je t'en prie. Camisole. Arrête. L'âme des dieux, élixir de la jeunesse du monde, ô grande œuvre du printemps de toutes choses, c'est pas mal. Arrête, qui était Paul? Danse de mon cœur sur les mauves. Attends, c'est quoi? Danse de mon cœur sur les mauves asphodèles. Pendant que la suprême révolte dans les tréfonds de les rêves noirs. Ébranle l'assise même de mon ego. Madame s'enferme dans sa chambre pour ébranler ses assises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes du métier? Il a écrit beaucoup de personnages assez odieux. On pense à Jean-Yann dans « Que la bête meure », oui, hein. Des personnages parfois assez sadiques. Oui. Je ne sais pas d'où ça venait, c'était une jubilation oui. D'écriture. Sûrement. Il était quand même très double, hein, cet homme-là. Hein? Assez génial. Pourtant, il pouvait avoir des moments tellement profonds, tellement beaux. Certains de ses poèmes sont très beaux aussi. Et puis, devenir tout à coup complètement odieux. Mais remarquez, moi j'ai rien contre la poésie. La culture, je suis entièrement pour, seulement... Mais qu'il est con, ce môme, tu peux pas faire attention, non? Hein? Regarde ce que tu me fais faire, connard. Allez, fous-moi le camp. Tu m'attends, fous-moi le camp. Allez, fous-moi le camp. Un être abominable, une caricature de l'homme parfaitement mauvais, tel qu'on n'espère pas le rencontrer dans la réalité. J'avais eu peur de tomber sur un type sympathique. Maintenant, ma joie de le supprimer sera double. Alors, mon père s'est marié à la fin des années 50 avec ma mère, donc qui est sa première épouse. Pierre Jégoff. En fait, il s'est marié deux fois, mon père. Il s'est marié avec ma mère dans les années... je crois que c'était en 57. Hein. Et c'était qui? Avec Simone Jégoff. Simone Jégoff. Et ils ont vécu ensemble quelques années avant de se séparer. Ensuite, ils se sont séparés. Mon père avait rencontré, on peut dire, la femme de sa vie, qui est Danielle, hein, avec qui il a eu deux enfants, Frédéric et Clémence, et avec qui il a passé de nombreuses années. Puis sans doute la période la plus importante pour lui... La période de la Nouvelle Vague, en fait, et de tous les films les plus importants, hein, qui vont jusqu'à Mort, le film qu'il a fait avec Barbet Schroeder. Et puis ensuite, ils se sont séparés. Avec mon père, la relation était très difficile, parce que, pour moi, en ce qui me concerne, hein, pour lui, je ne sais pas, parce que mes parents... se sont séparés, j'avais 5 ans et demi, donc ma mère m'a mis chez ses parents à elle en Normandie à l'époque. Aller là-bas, c'était assez compliqué, ça prenait du temps, donc j'ai vécu toute mon enfance et une partie de mon adolescence là-bas, en Normandie, donc, jusqu'au bac. Et je voyais mon père régulièrement, notamment à Noël ou pendant certaines vacances. Mais pour moi, c'était un homme qui avait, on pourrait dire ça, une telle personnalité, qui savait briller en société. Et malheureusement, je me retrouvais dans la peau de certains personnages de ces films, c'est-à-dire le provincial, mal éduqué, sérieux, et gauche. Et mon père, d'ailleurs, me le faisait remarquer. C'était peut-être pas très délicat de sa part, d'ailleurs, parce qu'il me faisait remarquer que je me tenais mal à table. Et donc, pour moi, c'était difficile. Et pourtant, je l'admirais. Je l'aimais beaucoup parce qu'il avait ce côté chaleureux qui faisait qu'on ne pouvait, on pouvait difficilement ne pas l'aimer. Hein. Il avait une séduction, on pourrait appeler ça comme ça, qui pouvait soulever l'enthousiasme même. Donc, je me sentais très complexé, en vérité. Hein, la pente a été assez difficile à remonter. Il a fallu que je surmonte ça. Disons que j'arrive à me tailler une personnalité aussi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, dans ces conditions-là, c'est un petit peu écrasant d'avoir pour père quelqu'un d'un peu connu, qui a une forte personnalité, et d'être en même temps relégué, de vivre un peu dans un exil, dans une province, c'était pas facile. Ne vous imaginez pas que je joue bien, je joue comme un con. Si vous aviez entendu le fantastique Schnabel avant-guerre, qui était mon maître d'ailleurs, qui est mort. C'était un pianiste, moi je suis une merde. Je joue un peu comme un cochon. Veuillez m'en excuser. Si vous aviez entendu le merveilleux. Avec un son extraordinaire. D'ailleurs, il s'attaquait rarement à Mozart. Ça se disait-il, Mozart est trop facile pour les débutants, pour les enfants. Il est trop difficile pour les virtuoses. Disons que ça relève un peu de la théorie, mais mon père était assez fasciné par le 18e siècle. Il a vécu un peu comme son propre père, un peu comme un dandy. Dans la mesure où les dandys sont un peu les héritiers des aristocrates des siècles précédents, il avait une sorte de vénération pour ces gens-là, un mépris par exemple pour le sens de l'économie, pour le sens du travail aussi, pour lui ça relevait de la morale bourgeoise. Et donc sa vie idéale c'était la vie de grand seigneur, et je crois que ça a déterminé toute son existence et certainement son travail d'artiste aussi, ses idées. Il a vécu, il a essayé de vivre dans des grandes maisons qu'il a louées ou qu'on lui prêtait. Johnny Hallyday lui a prêté une très belle maison du côté de Montfort-l'Amaury où il a passé peut-être un an et demi, je ne sais plus exactement. Et là, il pouvait recevoir comme un noble, en fait. Il menait un train de vie qui n'était pas du tout en rapport avec sa fortune personnelle. Encore qu'il a gagné beaucoup d'argent quand même dans les années 58, 59, 60, 60, 61, parce que là, il a eu la chance de travailler avec Chabrol. Il a travaillé aussi à cette époque-là, en 59-60, avec René Clément pour Plein Soleil. Donc, il a pu gagner de l'argent, il a pu... En somme, aussi, ce métier de cinéaste, lui, était pour lui un tremplin pour mener cette vie de châtelain. Et les gens que j'ai rencontrés souvent, qui m'ont parlé de lui plus tard, se souvenaient avec presque émotion, en fait, de ces dîners où mon père jouait du piano, il y avait un feu de cheminée, il y avait des repas qui duraient toute la nuit autour d'une bonne table, et avec beaucoup de rire, beaucoup d'humour. Les gens gardent souvent un souvenir ébloui, mais en même temps, ils pouvaient avoir la dent très dure hein, au cours de ces soirées, brocarder telle ou telle personne, se moquer de telle ou telle idée. C'était quelqu'un, peut-être dans l'esprit de Voltaire, hein, qui aimait la satire, et lui, et pas seulement lui d'ailleurs, la Nouvelle Vague, avait leur tête de turc. Alors je pense que tout le monde n'a pas forcément passé une excellente soirée en sa compagnie. Il y a quand même des gens qui ont parfois été un peu moqués, mais bon, ça faisait partie un peu du jeu, hein. C'était souvent comme ça. Ah non, oui, pas oui, du oui. Soir. Oui, fais attention. Vous allez voir. Je vais saluer Vénus à ma manière, à la manière d'un lion. Parce que le lion aime Vénus, et Vénus aime le lion. Pierre, tu es fou, tu veux voir des histoires, la police est en face. Les flics, je m'en fous, je suis riche, je paierai les amendes, non? Tu ne vas pas tirer sur l'étoile, non? Non, j'ai mieux. Ferme les bonnes, chérie. Flanque ça. Vous avez joué avec Paul Jégoff dans ce film de Claude Chabrol, Une partie de plaisir. C'est très curieux ce film dans la filmographie de Claude Chabrol. Pourquoi est-ce que Paul Jégoff a voulu faire ce film? Je crois que c'est parce qu'il voulait me récupérer. C'est ce que Chabrol a dit. Non, je pense que c'est ça. Ou je sais pas. Oui. Non, ça a été. J'ai pas réalisé que ça a été si dur pour lui. Notre séparation. Je ne l'ai pas réalisé parce que... Excusez-moi. Esther. Je te préviens, je veux dormir. Oui, personne n'a le beau rôle dans cette histoire. Personne ne le cherche, j'espère. Il parlait faux tout le temps. Il parlait faux dans la vie. Bon. Donc il parlait de la même manière. Il parlait faux parce qu'il voulait créer un décalage entre la réalité et ce qu'il disait. Donc il était obligé de parler faux. Ça, c'était, je crois qu'il l'avait beaucoup travaillé. Parce que c'était... Je n'ai jamais pris en flagrant délit de parler direct. Enfin, des pauses enfin, qu'il choisissait pour être efficace dans ses provocations. Ah oui, donc il était quasiment acteur alors dans la vie. Dans la vie, assez, oui. Il apparaît très sentimental dans Une partie de plaisir, non? Mais il était sentimental. C'est vraiment lui, ce personnage? Ah oui, il était très sentimental. Il était sentimental et vache, enfin, c'était bien sûr qu'il était... Il était romantique. Enfin, il avait un côté romantique. Alors, comme c'est toujours un peu ridicule, il retournait la crêpe, là aussi, en disant « Je suis un romantique, mais un romantique allemand. Ya, ya, ya !» Oui, Goethe. C'est comme ça qu'il s'en tirait. Et le fait d'être né à Mulhouse l'aidait considérablement. J'arrête. Il t'ordure, salope, traînée, bouillasse, bécassine de merde. Demande-moi pardon, je te tue, salope. Demande-moi pardon. Pardon, demande. Pardon. Est-ce que, tel qu'on le voit à l'image, est-ce que c'est fidèle à ce qu'il était, puisqu'il a quand même écrit son propre rôle? Ouais. Pas mal. Oui, il est assez naturel. Enfin, naturel. Parce qu'il n'était pas naturel. Dans la vie, peut-être. Parce qu'il n'est pas très naturel non plus dans ce film. Certains ont dit qu'il jouait faux. Oui. Mais il jouait peut-être faux dans la vie. Aïe, tu as fini, quoi? Suzanne! Non. Fais pas la tête, c'est pour plaisanter. Je n'aime pas les plaisanteries de mauvais goût. Si j'avais bon goût, tu me plairais pas. Si je te plais, c'est l'essentiel. Je suis en train d'en douter. Si je ne te plais pas, je plais à d'autres. Ils sont nombreux, tu sais. Ouais, un tas de petits gars boutonneux. Pas du tout. Des gens aussi bien que toi, même mieux. Elle est pas bête, cette fille, elle sait répondre. Comment ça se passait, la relation avec les femmes? Parce qu'on a beaucoup dit qu'il avait fasciné la Nouvelle Vague par ses différentes conquêtes. Alors, comment ça se manifestait, ces relations? Je crois que Chabrol l'a dit. Hein. Mon père était donc un séducteur et il savait parler aux femmes. Et, Et je crois qu'il il a un peu décoincé tout le monde, hein, que ce soit Chabrol, Godard, peut-être Éric Rohmer. Il leur a montré la voie, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est ce qui a plu d'ailleurs, à Rohmer. Je pense que dans Le Signe du Lion, il y a un peu le personnage du bohème qui devient clochard, en fait, est inspiré d'une histoire de mon père. Et dans Le Signe du Lion, il y a donc Jess Hahn, un Américain, un très bon acteur d'ailleurs, qui se retrouve de plus en plus, on dira, dans la dèche, hein, qui se retrouve à l'état de clochard parce qu'il attend un héritage. Et c'est tiré d'une histoire que mon père a réellement vécue en Espagne. Au début des années 50, il a eu l'héritage de son grand-père, l'héritage alsacien, et il a pu mener une vie oisive, très, très agréable d'ailleurs, et il a fini par échouer en Espagne. Et là-bas, il a rencontré, je crois, un bijoutier horloger, et mon père lui a servi de prête-nom, parce que ce bijoutier achetait des montres, et il y avait une combine à l'époque, si on était étranger, on ne payait pas la taxe. Et donc, mon père étant étranger, n'avait pas de taxe à payer, et servait donc de prénom à ce bijoutier. Ça a duré quelques mois, comme ça, où mon père a très bien vécu, d'ailleurs. Et puis, un jour, le bijoutier est parti, et puis, il n'y a plus de mandat, mon père n'a plus été payé. Et comme il ne se préoccupait pas du tout du lendemain, il avait pris l'habitude, avec cet héritage, donc, de vivre au jour le jour, il s'est laissé vivre, et il a vraiment fini comme clochard dans Barcelone. Et il a été recueilli, finalement, je crois qu'il a été recueilli par des gitans, c'est assez drôle, parce qu'il ne les portait pas toujours dans son cœur. Mais là, vraiment, on peut dire qu'il a pu les remercier, parce qu'ils l'ont aidé, il a vécu plusieurs semaines avec eux, et puis il est rentré sur Paris. Mais il a donc connu cet état de délabrement, en fait, hein, cette vie de clochard, et Rohmer s'en est inspiré. Alors, Paris Match, pourrais-je parler avec Monsieur Jean-François Santeuil de la part de Pierre Wesselring? Merci. Alors, Jean-François, écoute-moi bien, tu m'écoutes. Ma tante est morte, j'hérite. Bien sûr qu'elle existe puisqu'elle est morte. J'hérite, je te dis. Ah, je sais pas, il y a deux usines en Allemagne, une en Suisse, un tapis de plantation au Brésil. Écoute, vieux, tu es libre ce soir? Il faut faire une bringue à tout casser. Afrique, avec le tien, bien sûr. Je suis riche, j'hérite, je te le rends centuple. Non, non, tout de suite, sois chic. Hein. 50 000 balles, t'as bien 50 000 balles, je te rends 1 million dans un mois. Quoi, il est allé vivre en Italie, à un moment donné, il vivait en Espagne. Il était perpétuellement fauché, il venait vous taper du pognon sans arrêt. Il tapait et il rendait jamais. Ah, j'arrivais, il avait cette expression extraordinaire qui me revient maintenant. Passe-moi 100 balles, passe-moi 10 balles. Il arrivait comme ça sur un ton péremptoire et agressif, il dit, passe-moi 100 balles. Je te les rendrai. Passe-moi 100 balles, j'ai plus un rond. Il faut que j'achète des cigarettes. Et il disait ça à tout le monde, je me rappelle. Ça a marché? Ben, ça a dû marcher, je ne sais plus combien de temps ça a marché. Après, ça n'a plus marché, je suppose, parce que je me rappelle avoir reçu des lettres de lui, de Rome, je crois, de Rome ou d'Espagne, ou de l'un et l'autre, où il dit qu'il se plaint, qu'il n'a pas d'argent, qu'il demande à Rohmer de m'envoyer... demande au grand Momo de m'envoyer du pognon. C'est dans une lettre quelque part. Il tapait du pognon tout le temps, partout. Il n'avait jamais d'argent. Il claquait tout. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que en Espagne, il a effectivement, les premiers mois ont été fastueux, les derniers beaucoup moins. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a envoyé des cartes postales à ses amis avec toujours la même phrase, le champagne coule à flot. Le champagne coule à flot, oui. Et c'était un peu son côté flambeur, disons. Vous êtes né sous le signe du lion? Oui. Moi aussi. Ah, c'est merveilleux. C'est le signe le plus noble. Le signe des conquérants. Le soleil le gouverne. Oui. André S. Labarthe, vous avez fait un entretien avec Paul Jégoff en 1967, un entretien très long. Et ça ne vous a pas étonné quand vous êtes rendu compte qu'il était impossible de publier tel quel cet article pour les Quais du cinéma à l'époque? Non, je m'en suis pas rendu compte. On a fait cet entretien, on connaissait Jégoff, la façon qu'il avait de dire les choses. On le connaissait, tout le monde le connaissait. Donc, c'est moi qui me suis chargé de recopier les choses. Là, on avait enregistré ça sur un petit magnétophone. Et en tapant le texte, je l'ai mis au propre. Et puis je l'ai donné à Romer pour le publier au cahier. Et Romer l'a lu, l'a fait lire à Kejman. Maître Kejman, qui était l'avocat des cahiers, et Kali Kejman, il a dit à peu près, si vous le publiez, vous avez, je ne sais pas combien de procès, 10 procès, un truc comme ça. Il y a donc un risque. Alors donc ça a été mis de côté. Et c'est, je sais pas combien d'années après, en quelle année vous dites il a été fait, en 67 ? En 67, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est plus de 20 ans après, 25, un quart de siècle plus tard, que j'en ai parlé à Bruno Chiban, qui faisait de Limelight. Et j'ai dit, tiens, mais j'ai une chose dans mes papiers, un entretien qu'avec Jean Eustache, on avait fait chez Jégoff. Et voilà. Et non, c'était un truc très bien. Moi, je trouve très bien cet entretien parce que d'ordinaire, les entretiens sont toujours faits, ils sont publiés après qu'on ait fait le ménage. On a éliminé tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, toutes les aspérités, toutes les fautes de français, tout ça, etc. Et là, c'était vraiment tel quel. Estimé comme disque. Le concerto pour clarinette de Mozart. Ça t'ennuie? Non, celui-là, je l'aime bien. Je croyais que tu n'aimais pas la musique. Seulement ce disque. Mon père était clarinettiste. Ah oui? Oui, mon père, c'était le génie de la clarinette. On va dormir? Oui. C'est triste, le sommeil. On est forcé de se séparer. Ré. Se séparer. On dit dormir ensemble, mais c'est pas vrai. Mathias Debureau, que sait-on de la mort de Paul Jégoff? Alors, la mort de Paul Jégoff, elle a été beaucoup médiatisée, donc il y a eu énormément d'articles de presse. Donc on connaît le fait divers. Évidemment, c'est une mort qui a beaucoup excité les journalistes. Enfin, c'était le leitmotiv de tous les articles. Il est mort comme l'un des personnages de ces films. Voilà, oui, là, vous montrez, d'ailleurs, c'était un article dans le Figaro magazine. Donc, ça a beaucoup excité la presse. Ça a dû exciter beaucoup la presse aussi là-bas en Norvège. C'est un épisode, tragique, très violent. Il a été poignardé. Voilà, il a été poignardé par sa dernière épouse, je serais incapable de prononcer le nom de la ville, à Gjøvik, en Norvège, l'hiver, la veille de Noël, où je crois que c'était 24 décembre, pas très loin du cercle polaire, en fait, c'est un... Oui, c'est un épisode, effectivement, qui, au-delà du drame, oui, qui peut ressembler à l'un de ses films. Patricia. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a appris, ses enfants, nous avons appris sa mort avec stupéfaction, ça nous est quand même tombé sur la tête, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et pourtant on aurait dû, le prévoir, parce que quand je faisais mon service militaire, on m'a appelé d'urgence à Paris pour aller voir mon père qui était à l'hôpital, qui avait été blessé. Alors, mon père m'a raconté toute une histoire, il savait très bien embobiner les gens, donc il m'a expliqué qu'il était tombé de l'escalier et qu'il s'était perforé le poumon. Alors, je ne vois pas comment, effectivement, ça aurait pu se passer, mais enfin bon, j'y ai cru. Et effectivement, après, j'ai assisté à des scènes qui, sur le moment, m'ont inquiété, mais que j'ai vite oublié. Il habitait à une époque dans une maison de village assez jolie du côté de Mantes, en allant Mantes-la-Jolie, en allant vers la Normandie. Et je me souviens d'une scène de ménage la nuit entre Patricia, donc Coco, et lui, très impressionnante. Hein. En pleine nuit, j'ai entendu un brouhaha, je suis descendu à la cuisine, et là, je vois dans la cuisine, j'entends des bruits de batterie de cuisine, et je vois Coco en train de sortir des couteaux, des fourchettes. Je lui ai demandé de se calmer un peu parce que je savais qu'elle était effectivement nerveuse, un peu, par moments un peu déséquilibrée. Mais elle a fini d'ailleurs par se calmer, s'installer devant la cheminée qui était éteinte dans le fauteuil. Elle a pu se calmer. Et puis je suis remonté. Et en remontant, j'ai regardé par une ouverture mon père qui était tranquillement installé au lit, en train de fumer une cigarette. Semblait pas du tout se préoccuper de ce qui se passait dans la cuisine. Et donc, à nouveau, je me suis dit, tout ça n'est pas bien grave, en fait. Bon, ça fait partie du cinéma habituel de Patricia. Mais, effectivement, peut-être 2-3 ans plus tard, là, elle le poignardait véritablement. Alors, parle pas de ça maintenant. Demain. Demain, je te raconterai tout. Maintenant, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Ça va un peu dans le sens de l'attitude qu'il avait d'aller contre tous les stéréotypes, tous les clichés comme ça qui courent autour du cinéma ou de la vie. Et aller se faire assassiner. Je trouve que ça lui ressemble dans la mesure où c'était imprévisible. Parce qu'il n'y avait rien qu'il détestait tant que d'être prévisible, soit dans un scénario, soit dans ses idées, dans l'expression de ses idées, etc. Mais là, il a été servi, parce que lui-même est allé au-devant de ça. Je vois pas comment il aurait pu mourir autrement. Je l'imagine pas aujourd'hui, chez lui, dans une bibliothèque. Non. Yeah. Et c'était en même temps, il avait beau habiter Paris, etc. Sa littérature, c'était une littérature d'aventurier quand même, qui racontait des choses qui se passent sur les mers, toute cette littérature anglo-saxonne, etc. Donc il est mort selon ce mode-là, selon ses goûts littéraires. Qu'on me laisse choisir mon châtiment. Il existe un chant sérieux de Brahms qui paraphrase l'Ecclésiaste. Il dit: il faut que la bête meure, mais l'homme aussi. L'un et l'autre doivent mourir. C'était Paul Jégoff, une partie de plaisir, par Christophe Deleu et Anna Schmuck. Adieu. Avec Daniel Rosenkranz, Pierre Jégoff, Michel Subor, Mathias Debureau, Jean-Baptiste Morin, Georges Delorme, Georges Casati, André S. Labarthe, Claude Chabrol. Prise de son, Alain Fechter, Laurent Macchetti, Arthur Gerbeau. Mixage, Pierre Monteil. Merci à France Bleu Alsace et France Bleu Gironde. Coordination, Marianne Chasseur. Une émission de Christophe Deleu et Anna Smuk. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 février 2007. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.